Quatrième et dernier temps de notre semaine sur l'Allemagne au XXe siècle, à l'occasion du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin et alors que paraît ce matin en kiosque le dernier numéro spécial de notre partenaire Courrier International sur les murs qui encore aujourd'hui partagent la planète. Après le Troisième Reich, lundi avec Johann Chapoutot, les déplacés allemands d'Europe de l'Est, mardi dans le documentaire de Jeanne Guérou et d'Anne Fleury, la société civile en RDA hier, nous allons ce matin nous demander ce que nous apprennent justement les dernières recherches sur la République de Weimar. Au-delà de la division entre un régime considéré comme faible et impuissant et une culture foisonnante et innovatrice, qu'ont donc été les élites de cette République ? Y a-t-il eu rupture entre les personnels qui ont servi le Kaiser et la République qui a suivi ? C'est ce que nous verrons avec d'autres questions, bien entendu avec Jeanne Guérou qui a préparé cette semaine avec nous. Nicolas Patin, il est maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne. Il est auteur récent d'un livre paru en début d'année, La catastrophe allemande chez Fayard. Nathalie Le Bouedex est avec nous au téléphone. Elle est maître de conférence en civilisation allemande à l'université de Bourgogne à Dijon. Elle est auteur d'un livre sur M. Radbourg qui était un juriste de gauche sous la République de Weimar. Un livre paru aux presses de l'université Laval. Et Marie-Bénédicte Vincent est avec nous. Elle est maître de conférence à l'École normale supérieure à Paris. Elle est auteure du premier tome sur le premier XXe siècle de l'histoire de la société allemande, paru donc en repère La Découverte. Bonjour à vous Jeanne Guérou. Bonjour. Merci d'être avec nous pour co-animer cette table ronde finale de notre série sur l'Allemagne au XXe siècle. Bonjour Marie-Bénédicte Vincent, bonjour à vous avec Nicolas Patin et au téléphone, bonjour à vous Nathalie Le Bouedec. Alors peut-être commencer avec vous Nicolas Patin, vous êtes auteur de cette catastrophe allemande qui est parue chez Fayard, vous êtes également l'auteur d'un article sur Weimar qui vient de paraître dans le dernier numéro spécial de la revue L'Histoire dans les collections qui s'intitule L'Allemagne de Luther à Merkel. Et vous avez écrit dans ce numéro spécial qui est encore en kiosque sur justement Weimar. Et vous commencez dans ce numéro ainsi que dans votre livre sur la catastrophe allemande à évoquer, disons, ce caractère bifide de Weimar habituellement développé dans nos manuels, à savoir d'un côté une société relativement bloquée, en particulier une société politique impuissante, et de l'autre côté un caractère foisonnant de la culture weimarienne et en particulier la culture berlinoise de ces années 20 et du début des années 30, Nicolas Patin. Et vous dites il faut revenir sur ce caractère bifide, justement. Ben, je pense qu'en fait, Weimar nous invite à avoir des réflexions. Finalement, c'est assez pratique de penser Weimar dans son échec et finalement dans son échec politique, en rejetant d'un côté donc une culture qui aurait extrêmement bien marché, qui était à la pointe de la modernité européenne, et de l'autre côté, évidemment, faire débuter l'histoire politique de la République par le 30 janvier 1933, c'est-à-dire par son échec. Et d'une certaine manière, il y a un double mouvement, c'est-à-dire d'un côté, dans l'histoire politique, on est passé de l'idée d'échec à une notion de crise autour des années 90 avec les ouvrages de Detlef Peukert. Et puis aujourd'hui, on va vers une forme de normalisation. Enfin, les études se tournent vers peut-être par exemple le livre de Rüdiger Graf sur les futurs de la République, c'est-à-dire essayer de sortir Weimar de la téléologie du 30 janvier 1933. De l'échec du 30 janvier 1933. Tout à fait. Et donc ça veut dire relire la politique avec une vision, non, pas oublier qu'il y avait énormément de dysfonctionnements, mais qu'il y a aussi des choses qui ont bien fonctionné. Et inversement, la culture, finalement, pendant longtemps, l'histoire de cette culture chatoyante, elle a servi comme contrepoint. On a essayé de sauver la culture parce qu'on considérait que la politique était perdue, d'une certaine manière. Alors, sur ce point, peut-être en repartant du début avec vous, Marie-Bénédicte Vincent, on pourrait aussi se poser la question de ce début de Weimar, c'est-à-dire qu'on évoque la fin, qui généralement signe l'échec de Weimar, et puis on dit, tout compte fait, eh bien, cette République de Weimar, elle est née de la défaite, elle est née effectivement du traité de Versailles, autour du traité de Versailles, et elle est mal née, cette République, puisqu'elle n'a pas su s'imposer en tant que République. Vous avez travaillé, vous, sur les personnels, ce qu'on appelle la prosopographie, les personnels politiques, les serviteurs de l'État, avant Weimar, pendant Weimar et jusqu'à 1933. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette armature d'un État qui était très précocement armé, justement en particulier pour la haute administration depuis le 19e siècle, de cet État, donc de 1871 jusqu'à Weimar, et de ce qu'il en est resté au moment de Weimar, justement, Marie-Bénédicte Vincent? Alors, effectivement, la République de Weimar, c'est un régime court qui ne dure que 14 ans. Donc, les élites en place n'arrivent pas en 1919, pour la plupart. Elles ont toutes un passé, y compris dans le camp républicain. Donc, une des nouvelles manières, on va dire, d'étudier la République de Weimar, c'est précisément de considérer aussi ce qui précède. Et la continuité, d'une certaine voilà, façon. Voilà, et d'envisager, donc, notamment l'Empire, ou du moins le début du XXe siècle, avec ensuite la question de quelle est la transition qui s'opère en 1918. Et donc là, du coup, si on opte pour ce regard un peu plus de moyenne durée, on s'aperçoit qu'une grande partie du personnel administratif et même politique de la République de Weimar est un personnel hérité. Oui, parce qu'il n'y a pas eu d'épuration véritable à la chute du Kaiser. On n'a pas plus épuré qu'à d'autres moments de l'histoire allemande. Vous dites que ce n'est même pas 10% du personnel de la haute fonction publique qui est sorti du jeu, d'une certaine façon. Et donc, au bout du compte, ce sont les mêmes qui étaient là, soit à la toute fin du 19e siècle, soit juste avant la guerre de 14, et soit qui commence à travailler avec cette nouvelle république. Alors la non-épuration, c'est évidemment un phénomène très important qui s'explique par deux manières. D'une part parce que la constitution de Weimar protège les fonctionnaires et leurs fameux droits, qu'on appelle les droits acquis, qui remontent effectivement au début du 19e siècle. Donc les fonctionnaires sont protégés légalement, ne peuvent pas être épurés comme ça, même s'il y a eu une révolution, donc après le 11 1919, qui est la proclamation de la Constitution. Deuxièmement, même les sociodémocrates qui sont au pouvoir ne veulent pas épurer, parce qu'ils ont très peur du chaos qui pourrait en résulter. Et un point très important, me semble-t-il, pour comprendre la naissance de la République de Weimar, c'est la peur du désordre, la peur du chaos. Or, il faut dire que ça naît dans le chaos et ça naît dans le désordre. Ça naît dans imaginer la République des conseils et la possibilité, en particulier par les spartakistes, de prendre le pouvoir. Donc effectivement, un SPD qui est le même qu'avant la Première Guerre mondiale réagit, se bagarre contre cette aile d'extrême gauche qui veut changer totalement la donne après la défaite allemande. Mais ça reste circonscrit, puisque ce que vous expliquez bien avec d'autres, Nicolas Patin, c'est que le personnel politique que l'on trouve à l'Assemblée tout de suite après justement cette nouvelle constitution de Weimar, eh bien c'est à peu près le même personnel politique, même s'il a été profondément renouvelé avec les morts de la guerre, etc. Mais en tout cas, en proportion, c'est les mêmes partis, c'est le SPD qui domine, le Zentrum est là aussi, etc. Donc il y a là aussi, comme le disait Marie-Bénédicte Vincent, une forte continuité malgré ces troubles et ces énormes convulsions de 1918-1919. Disons que quand on sort d'une certaine histoire événementielle, comme disait Marie-Bénédicte, quand on est dans le longitudinal et dans le temps moyen, on voit d'autres choses, en fait. Et notamment, alors effectivement, Marie-Bénédicte travaille plutôt du côté de la fonction, moi plutôt des élites élues, et on a pu voir Weimar comme la victoire des élites élues sur les élites fonctionnariales, mettons. Et en fait, ce que j'ai pu voir, c'est que les députés qui reprennent, il y a une grosse rupture, il y a environ 70% de nouveaux députés en 1919, au moment de la première élection de l'Assemblée constituante. Mais en réalité, les gens qui vont faire le parlementarisme dans les premiers mois, c'est les anciens. C'est ceux qui étaient déjà présents en 1912. Mais pour rebondir, en fait, cette question-là, elle pose quand même la question centrale de la guerre. C'est-à-dire en quelle mesure la guerre a fait rupture. La guerre, la défaite, la révolution, qui sont trois éléments de 10 juin qui ont un impact 10 juin. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que, par exemple, le KPD, le Parti communiste, qui est considéré comme une grosse nouveauté, créé le 31 décembre 1918, en réalité, 75% des membres du KPD étaient membres soit du SPD, enfin du Parti social-démocrate, soit du Parti social-démocrate indépendant. Donc même à gauche, on est face à quelque chose de pas si nouveau, des cadres qui ont été formés sous l'Empire. En revanche, en ce qui concerne le parti nazi, là, en tout cas sur les députés, il n'y en a que 11% qui étaient politisés avant la guerre. Donc là, on a une nouveauté importante. Radicale. Nathalie Le Bouédec, vous êtes avec nous au téléphone. Vous êtes donc germaniste, spécialiste donc de cette période également, et en particulier d'un personnage sur lequel vous avez fait un travail considérable, qui est un juriste de gauche qui, lui, en revanche, est nouveau, en tout cas dans la politique. Il va devenir donc député entre 1920 et 1924, il va devenir ministre de la Justice. Et vous pouvez nous le présenter, nous expliquer en quoi justement ce personnage-là est un personnage nouveau et qui d'une certaine façon a été changé par ce qu'on vient de dire, changé par la guerre, changé par la révolution qui était en cours. Et donc il est devenu le juriste de gauche, un juriste de gauche sous cette République de Weimar. Vous nous le présentez, Nathalie Le Bouedec ? Oui, alors Gustave Rapport est un personnage tout à fait intéressant et assez atypique finalement à la fois en tant que juriste, puisqu'effectivement les juristes de gauche n'étaient pas vraiment la majorité à l'époque weimarienne. Alors il a été formé sous l'Empire, hein, puisqu'il est quand même né en 1878, donc quand arrive la République de Weimar, il est déjà reconnu en tant que professeur de droit et notamment philosophe du droit. Mais effectivement, pour lui, l'expérience de la guerre, enfin en tout cas dans la manière dont il la présente, est décisive dans sa décision de s'engager politiquement. Et justement, il s'engage au Parti social-démocrate à l'automne 1918, au moment de la Révolution. Donc son engagement politique est vraiment directement lié à toute cette période de changement et lié à cette conviction que aussi il faut que le droit et donc son domaine s'adapte à toutes ces évolutions politiques et sociales. On a dit avec Johan Chapoutot lundi combien les juristes étaient des personnages particulièrement importants depuis la fin du 19e siècle en Allemagne. Mais vous dites, tout compte fait, les juristes de gauche sont beaucoup plus rares. Vous nous expliquez pourquoi, Nathalie Le Bouedec ? Oui, alors déjà, effectivement, les juristes avaient une position extrêmement importante, comme d'ailleurs l'a bien étudié Marie-Bénédicte, parce que aussi l'essentiel des élites administratives avait une formation juridique. Donc cela leur donnait aussi, cela donnait au corps des juristes finalement un poids considérable, notamment dans la bureaucratie weimarienne. Le problème était qu'effectivement, par tradition, par formation et aussi par la sélection sociale extrêmement importante en fait qui avait lieu dans les universités, puisque c'était un cursus extrêmement long qui de fait excluait les personnes issues des classes populaires, on dira. Donc c'était effectivement un corps par tradition conservateur qui était aussi très attaché à la monarchie sous l'Empire et qui a eu beaucoup de mal à s'adapter en fait au changement politique, qui a aussi été vu comme une menace finalement. Il y a de façon récurrente cette crainte en fait finalement de perdre leur statut, cette crainte de voir leur rôle aussi remis en question. Et effectivement, il y a eu très peu de juristes, mais il y en a eu, et il faut le souligner, qui ont pu défendre la démocratie, théoriser aussi la démocratie de façon, on va dire, positive, ou réfléchir justement sur l'adaptation du droit et de la profession à cette nouvelle donne politique et aussi sociale. Mais il y en a eu, il ne faut pas les oublier non plus parce qu'il n'y a pas eu que Carl Schmitt, par exemple. Sur cette question, en particulier sur cette question du renouvellement des élites et des changements sociaux, pourrait-on dire, est-ce que la République de Weimar procède à un renouvellement social aussi de ces élites. Marie-Vincent, vous avez travaillé sur des cohortes de quoi plus de 300 hauts fonctionnaires. Ces cohortes sont-elles profondément renouvelées au point de vue de l'émergence sociale de ces hauts fonctionnaires ou pas du tout ? Alors, il y a eu un renouvellement, mais il n'intervient pas tout de suite. Donc là, il faudrait, si on veut être rigoureux, distinguer un peu plus des éléments de chronologie. Et il me semble qu'un tournant a été identifié dans mon travail, mais dans d'autres, aussi en Allemagne, d'auteurs qui travaillaient sur la diplomatie, par exemple, qui serait le milieu des années 20. Donc jusqu'au milieu des années 20, on a un personnel qui est principalement hérité dans les hautes fonctions administratives et de la diplomatie. À partir de 1925, le renouvellement générationnel commence à s'opérer, une ouverture des cohortes du point de vue social se remarque. Pour prendre un exemple concret, le poids des aristocrates, qui est souvent un indicateur du degré d'ouverture ou de fermeture d'un corps, diminue à partir de 1925. Donc on peut dire que le milieu des années 20 est déjà un moment de renouvellement social. Et donc d'une sorte d'ouverture démocratique ou de démocratisation de la haute fonction publique ? Alors là, c'est plus compliqué. Différent, puisque dans démocratisation, il y a deux volets. Il y a l'aspect social, d'où viennent les gens, de quel milieu. Et puis, il y a l'aspect, évidemment, politisation, dans quel parti se reconnaissent-ils Il faudrait là aussi être plus prudent. Néanmoins, la Prusse, c'est un très bon exemple parce que c'est l'État, vous le dites, la Prusse, c'est l'État le plus républicain, pourrait-on dire, de toute la République c'est de Weimar, ce qu'on ne dit pas souvent. Oui. Jusqu'en 1932, jusqu'à l'éviction de la vie parlementaire en Prusse. Il y a un renouvellement dans notamment une plus forte progression des fonctionnaires se réclamant du parti Zentrum, du parti démocrate et il est vrai aussi du parti social-démocrate dans certaines fonctions. Une question de Jeanne Guéroux. Oui, Nicolas Patin, vous citez dans votre ouvrage Paul Löbe qui dit « Ce Reichstag a souvent été attaqué, blâmé, on peut même dire injurié. On peut cependant espérer que si la distance historique le permet, on rendra un autre jugement sur nos efforts et que les générations à venir sauront avoir un avis juste. » Est-ce que vous pouvez revenir sur ces réussites politiques ? Avec plaisir. C'est vrai que quand on pense au Reichstag, on a souvent comme image, en ce qui concerne Weimar, je pense qu'on en a deux dans l'imaginaire populaire. C'est celle du Reichstag en train de brûler, le 27 février 1933, et celle des SA, les sections d'assaut nazis, qui arrivent le 13 octobre 1930, après la victoire des 107 députés. Ils arrivent en uniforme dans le Reichstag. Mmh. Et donc ça donne une image... Ils imposent leur code, d'une certaine façon, code vestimentaire. Vestimentairement, c'est très important, dans le sens où c'est un espace symbolique, on le sait, et les débats qu'on peut avoir aujourd'hui sur la manière dont telle ou telle personne et habillé avait lieu à l'époque, notamment quand on a intégré les femmes. Et les femmes, c'est ce que vous expliquez. Voilà, en 1919, où on peut penser à Marianne Weber, la femme de Max Weber, qui, pareil, était parlementaire dans les chambres des Länder. Mais effectivement, donc ça donne une image tragique du Reichstag comme étant étranglé entre les communistes et les nazis, etc. Et en réalité, quand on regarde les archives qui sont disponibles sur Internet, d'ailleurs, elles ont été digitalisées. Donc quand on regarde, mettons, cette masse qui représente à peu près 42 000 pages sans les propositions administratives, enfin les propositions de loi, en fait, c'est beaucoup plus technique et c'est beaucoup plus quotidien et il y a un travail. Bah vous dites qu'il y a 700 lois qui passent au tout début de l'instauration de ce Reichstag et que parmi les 700, il y en a 450 qui viennent du gouvernement, mais ça veut dire qu'il reste quand même les autres qui ont été proposées par le Parlement. Et donc, il y a une vraie vie parlementaire qui rompt avec ce qu'on connaissait auparavant tout de même. Alors, pour faire court, c'est très simple. Il y a effectivement 450 lois qui viennent du gouvernement, mais pourquoi ? Parce qu'il y a le Reichsrat, la chambre des Länder qui est là, et c'est ça qui oriente ce poids de l'exécutif dans les propositions de loi. Mais en revanche, par exemple, dans ce que j'ai étudié, l'image d'un parti communiste qui était dans l'obstruction totale. Ah oui. Bon, j'ai regardé d'assez près ces questions-là en faisant... Il y a eu 1500 rappels à l'ordre, c'est un processus légal au Reichstag pour sanctionner les députés qui commettent des impairs, des interpellations... etc. Mais vous dites que dans commission, le Parti communiste participait aux commissions, il travaillait. C'est-à-dire qu'avant la fin avant la toute fin, il y a une forme d'intégration. Alors, il faut la relativiser, mais en tout cas, c'est moins... Le Parti communiste travaille, et notamment, ils envoient des lettres à leurs députés en disant « t'es encore en retard, t'es pas venu travailler, ok, tu peux être auprès des masses, mais ça suffit pas, il faut aussi faire un travail positif. » Marie-Bénédicte Vincent. Le travail parlementaire est intéressant comme observatoire. Il est à la fois, quand on le regarde aujourd'hui, il apparaît très novateur, pionnier dans un certain nombre de domaines. Nathalie Le Boisdec a étudié la législation sociale, notamment. Mm-hmm. Il y a la législation du travail, qui est évidemment très avancée. La législation, évidemment, concernant les femmes. Ça, c'est un aspect des choses. Un autre aspect, c'est la perception de ce travail parlementaire par l'opinion. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette perception, elle est très négative. Et l'opinion, et pas seulement les gens peu instruits, mais aussi les professeurs, notamment ceux qui rédigent les manuels scolaires que j'ai pu par ailleurs étudier, sont très critiques vis-à-vis du travail parlementaire. Le parlementarisme... Vous voulez dire qu'il y a un anti-parlementarisme Le parlementarisme, c'est le règne des partis, donc c'est ce qui divise. Et donc c'est ce qui divise la nation... Et ça, c'est considéré comme une faiblesse dans un contexte où tout le monde pense que l'Allemagne doit se relever, doit être unie de l'intérieur. Mmh. Et il y a une méconnaissance de ce que pourrait apporter le parlementarisme du point de vue... Et de la vivacité démocratique en particulier. Et de la vivacité démocratique. Le mot démocratie n'est pas habituel en Allemagne. Oui, alors justement, vous qui avez réfléchi avec l'exemple de Gustav Radbourg sur cette question des juristes de gauche, Nathalie Le Boisdec, vous pouvez avancer sur ce chemin qui a été tracé par Nicolas Patin et Marie-Bénédicte Vincent à l'instant ? Oui. Oui, justement, effectivement, cette question aussi du travail novateur, en fait, à la fois aussi de l'Assemblée constituante, déjà, qui a rédigé la Constitution de Weimar, et ensuite du Reichstag, est effectivement extrêmement importante. En fait, il faut aussi voir la République de Weimar comme un formidable laboratoire d'innovation, notamment en matière juridique et surtout sur le plan social. On a quand même une Constitution qui apporte des innovations vraiment révolutionnaires dans l'histoire allemande, mais aussi dans l'histoire européenne, par exemple le principe de l'État social, c'est-à-dire qu'il est quand même clairement dit dans la Constitution que l'organisation de la vie économique doit garantir une existence digne pour tous, doit correspondre au principe de justice. On a la reconnaissance de droits pour les syndicats, notamment le droit de conclure des conventions collectives avec le patronat sur le plan de l'égalité des droits. On a tout un ensemble d'idées qui en fait ont été ensuite reprises et qui sont toujours valables aujourd'hui dans la République fédérale, notamment donc l'autonomie des partenaires sociaux, les négociations entre les partenaires sociaux, aussi même l'embryon de l'idée de la cogestion, c'est-à-dire que des représentants des salariés dans les entreprises qui participent aux prises de décision. Et même si cette filiation finalement n'a pas toujours été reconnue, en tout cas soulignée dans la République fédérale, et donc notamment des juristes de gauche comme Gustav Ravrour, mais il y en a eu d'autres, par exemple Hugo Sinsheimer, qui est vraiment le père du droit du travail moderne, en quelque sorte, en Allemagne. Donc bien sûr, après la mise en pratique de toutes ces innovations a été parfois difficile. Il y a eu aussi, bien sûr, la crise de 1929 qui a finalement fait que toutes ces mesures sociales, j'ai oublié aussi l'assurance chômage, par exemple, qui a été mise en place de façon pionnière en Allemagne, n'ont pas pu être financées et que ce système s'est finalement effondré, ce qui a d'ailleurs aussi contribué à détourner un certain nombre de personnes de cette République. Mais il y avait vraiment ici une volonté d'innovation. Et par rapport au Reichstag, c'est vrai qu'il faut aussi effectivement souligner ces processus d'intégration qui ont eu lieu et bien été mis justement en valeur dans des recherches récentes, et aussi rappeler que par exemple en 1928, lors des élections au Reichstag, que le SPD en sort premier parti de façon très nette, dirige le gouvernement d'une grande coalition, que le parti nationaliste qui était le DNVP est aussi intégré dans le jeu parlementaire. Et que donc, en 1928, il n'y a pas du tout d'échec programmé de la République. La République. Voilà. Une question de Jeanne Guéroux. Oui, Nathalie Le Bouédec, donc Weimar était la première expérience démocratique de l'histoire de l'Allemagne. Et vous expliquez qu'en fait, au cours des années 20, il y a eu des tentatives d'introduire l'instruction civique dans les écoles et de réviser les manuels d'histoire encore trop marqués par l'Empire. Est-ce qu'on a voulu donc éduquer les Allemands à la démocratie ? Alors, il y a eu effectivement des efforts, alors qu'ils sont restés assez marginaux et qui ont eu surtout du mal à être ensuite appliqués en raison notamment comme Marie-Bénédicte qui a fait allusion parce qu'elle a aussi travaillé sur ce sujet, en raison des résistances très fortes au sein de l'institution scolaire et universitaire donc de la part des enseignants. Mais effectivement, donc notamment les sociodémocrates vers notamment 1922 ont initié un certain nombre de mesures. Alors faut juste expliquer rapidement qu'en 1922 il y a eu notamment après l'assassinat du ministre des Affaires étrangères Rathenau, un ensemble de mesures pour la protection de la République. Donc il y a eu des mesures répressives, mais aussi des mesures, on va dire, positives, dont effectivement il était question que dans les écoles on travaille à la création, à l'émergence d'une conscience républicaine par les manuels, par d'autres mesures. Aussi, on a essayé aussi de créer un jour férié national qui aurait été le 11 août, qui était le jour de la Constitution, le jour de l'entrée en vigueur de la Constitution. Effectivement, le blocage est souvent venu des écoles, des enseignants qui, eux, avaient un rapport très très distant dans leur majorité à la République démocratique. Marie-Bénédicte Vincent. Alors, la Constitution est amusante en ce sens. Elle prescrit que chaque Allemand recevra à sa majorité un exemplaire du texte de la Constitution et elle instruit aussi, elle donne une obligation d'instruction de cette constitution. Donc elle crée ce qu'on pourrait appeler l'enseignement civique moderne, entre guillemets, dans les écoles, tout en laissant aux lenders, qui sont bien sûr en charge de l'éducation, le soin de l'organiser. Et donc, ont été créées donc, dans les écoles une discipline qui n'existait pas avant, qui est donc la Staatsbürgerkunde, c'est-à-dire on étudie comment est organisé l'État en Allemagne. Et sur cette base ont été produits donc, effectivement un certain nombre de manuels qui complètent les manuels d'histoire et qui sont très intéressants parce qu'ils montrent comment était perçue la constitution de Weimar à l'époque. Or, une grande partie des auteurs sont des auteurs républicains. Il n'y a pas que des anti-républicains, il y a des auteurs qui soutiennent le régime. Mais leur vision de la constitution de la République de Weimar est d'autant plus intéressante qu'ils ne soulignent pas ce que nous, on aimerait souligner aujourd'hui quand on regarde ce régime, c'est-à-dire la démocratisation des institutions, la vie parlementaire. La modernisation de la vie publique. Exactement. Ces auteurs disent c'est le Reich qui continue. Il y a un gros changement, c'est que la centralisation en Allemagne progresse. Alors là, il y a un certain nombre d'auteurs dans les Länder qui trouvent que c'est dangereux comme évolution. Hein. Le droit fédéral casse désormais le droit du Land. Donc ça, c'est souligné par tous les auteurs. Parmi les nouveautés de la constitution de Weimar, ce qui est souligné, c'est que c'est un état du peuple, c'est le Volksstaat, et qu'il y a quand même, et c'est là qu'on voit les limites de la perception de ce que c'est que la souveraineté populaire, c'est qu'il y a quand même un président du Reich qui pourrait, en fait, être un chef pour toute l'Allemagne, s'il utilisait les compétences que lui garantissent, dans certains cas, la Constitution. Donc on a une vision de la Constitution, même chez les auteurs républicains, qui n'est pas celle que nous avons aujourd'hui, qui est loin de correspondre à ce que nous, on voit dans la République de Weimar. Emmanuel Laurentin. Et à propos donc de Weimar, puisque c'est le thème de notre émission dans notre série consacrée cette semaine à l'Allemagne au XXe siècle, eh bien on vient d'entendre Kurt Weill, donc un extrait de Ma Agonie chanté par le Thelenien en 1930. Peut-être faut-il dire quelque chose de ce dont on parlait juste auparavant, à savoir ces tensions que connaît aussi ce Reichstag, ces tensions qu'il y a à l'intérieur de la société allemande, même pour fixer une date d'anniversaire pour cette nouvelle société qui naît après la Première Guerre mondiale. Eh bien, on a beaucoup de mal. Vous racontez dans votre livre La catastrophe allemande, Nicolas Patin, par le menu, les discours au Reichstag en 1928, mais il y en avait eu auparavant, sur la fixation d'une date nationale, d'une fête nationale. Et alors là, tout le monde y va, y compris d'ailleurs, Göring. C'est Goebbels, dans le Reichstag de 1928, qui dit de toute façon, nous rejetons cette constitution, prenons la fête de Pourim, puisque cette constitution a été écrite par des juifs, eh bien on va fêter en même temps les juifs, en même temps que la constitution de Weimar. Donc on voit bien combien tout est tendu dans ce Reichstag de 1928. En fait, comme je disais tout à l'heure, là, ce dont on parle de cette espèce de normalisation et de regarder les choses qui finalement ont fonctionné dans la République, ça n'empêche pas de vous. On sait, on a 60 ans, 70 ans d'historiographie sur ce qui n'a pas marché. Hein, donc, ça, il n'y a pas de problème. Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Marie-Bénédicte, c'est vrai que la culture parlementaire dès l'Empire, elle était un peu anti-pluraliste. C'est-à-dire qu'on avait le symbole du Kaiser, de l'armée, et le Reichstag était le symbole et le serment au Kaiser. Voilà. Et le Reichstag était perçu comme un symbole de division et tel l'avait voulu Bismarck. Bismarck avait joué le suffrage universel et la démocratisation très tôt, finalement, en 1871, dans l'idée qu'avec une société divisée telle qu'était l'Allemagne à l'époque, il aurait un Reichstag divisé et donc inefficace. Bon, donc et la guerre n'a fait que remettre ça en valeur par une culture de l'autorité, Hindenburg, Ludendorff. Bon. Mais ça, c'est finalement une difficulté à percevoir un pluralisme. Là, quand on voit le débat sur l'idée de fixer une date pour un jour de fête nationale, là, on n'est plus dans le pluralisme, on est dans ce que les gens dénonçaient comme partaïsmus, c'est-à-dire le partisanisme. On a un certain nombre d'orateurs qui se prononcent, ils sont, mettons, 15. C'est soit le 11 août, soit le 18 janvier, chacun soit le 11 février, soit le 1er mai. Chacun a sa date. Il y en a, certains proposent l'anniversaire du Kaiser, d'autres proposent la fondation du Reich en 71, le 18 janvier. Certains disent, je ne veux pas faire une fête nationale, je veux faire une fête pour les soldats morts, donc de commémoration, de deuil. Et tout ça, passez-moi l'expression, se crie dessus au Reichstag pendant des heures et des heures. Donc ça, effectivement, là, on a une incapacité à se mettre d'accord qui a marqué les partis weimariens. Marie-Bénédicte Vincent. Il y a en Prusse, pendant la République de Weimar, des fonctionnaires qui auraient un rang équivalent à celui de préfet en France à la même époque, qui, par exemple, boycottent les jours de commémoration de la Constitution au niveau local. Donc, ils partent exprès en vacances à ce moment-là pour ne pas être présents le 11 août 1919. Et ça amène à un point qui est peut-être intéressera dans une optique de comparaison franco-allemande. On essaie souvent de comprendre pourquoi la Troisième République a suscité une adhésion populaire large, alors que la République de Weimar n'arrive pas à susciter le même élan dans la population. Et un des éléments, parmi évidemment bien d'autres, c'est de dire que cette République de Weimar, elle a manqué de pédagogie nationale. Elle n'a pas réussi à créer des symboles, des fêtes, ou des rituels qui permettraient d'intégrer la population. Et l'exemple de l'échec de cette fête commémorant la Constitution, qui aurait pu être un lieu de rassemblement, puisque cette Constitution, elle est quand même élaborée à la suite d'un compromis entre plusieurs partis qui soutiennent le régime, la fameuse coalition de Weimar, eh bien ce rassemblement n'a pas lieu. Une question de Jeanne Guéroux. Oui, pour revenir en fait sur la culture weimarienne, évidemment on pense à Weimar, on pense tout de suite au foisonnement culturel, mais Nicolas Patin, vous insistez, vous nous dites que cette culture était vraiment loin de faire l'unanimité et qu'elle concernait essentiellement Berlin et qu'à Munich, évidemment, la voyait, par exemple, d'un mauvais œil. Alors, Nicolas Patin. Effectivement, ça vient pas du tout de moi. C'est des choses qui sont acquises dans l'historiographie depuis longtemps, les œuvres de Christian Bechler ou Walter Laker. C'est cette idée qu'en fait, on a besoin de métonymie, c'est-à-dire on a besoin de quelque chose pour voir Weimar, et donc on voit le Bauhaus, on voit Bertolt Brecht, on voit l'équivalent des flappers des Roaring Twenties des États-Unis, donc la femme garçonne, etc. On a tout un univers pictural qui nous fait dire finalement on a un monde politique en retard et un monde culturel en avance. Et en réalité, il faut à mon avis décaler la question, c'est-à-dire que le monde culturel était source de clivage. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Déjà, il y avait quand même tout un tas d'intellectuels d'extrême-gauche, d'extrême-droite qui tapaient à bâton rompu sur le régime. Mais surtout, ça contribuait à un clivage régional aussi, avec effectivement peut-être Berlin contre Munich, mais c'est aussi plus compliqué que ça. Oui, et puis l'Allemagne rurale, etc., qui ne comprenait pas ce Berlin qui était en profonde révolution culturelle. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, sur les taux d'équipement en radio, on dit toujours, on voit la progression des taux d'équipement, sauf qu'à la campagne, c'était un poste pour 10 personnes et un pour 2 à la ville. Donc là, on a ce clivage très important qui va contribuer d'une certaine manière à fragiliser l'émergence d'une culture commune. Et juste pour terminer, on retrouve ça chez les anciens combattants. C'est-à-dire qu'on a une culture, on a une mémoire clivée de la guerre qui empêche d'émerger un consensus. Marie-Bénédicte Vincent et puis Nathalie Lebouedec ensuite. Oui, juste un mot sur l'opposition ville-campagne, toujours dans l'idée d'essayer de comparer avec le cas français. En France, on dit que c'est en 1931 que la population urbaine dépasse la population rurale. Or, il faut bien voir qu'en Allemagne, c'est dès la première décennie du XXe siècle que qu'il y a eu cette inversion des deux populations. Ce qui fait qu'on est déjà dans un pays qui est très urbain avant la Première Guerre mondiale. L'urbanisation se renforce encore sous la République de Weimar, si bien que le monde des campagnes, loin d'être négligeable, hein, c'est encore 40% de la population, mais se voit menacé aussi dans son existence même. Et donc il y a une opposition. Et le cinéma lui-même, Fritz Lang, Metropolis, mais aussi Berlin, Symphonie d'une grande ville, ou Berlin Alexanderplatz, tout ça traduit justement cette dimension urbaine aussi de cette modernité allemande. Donc les campagnes se sentent menacées et donc il y a une opposition qui va se construire dans les discours, dans les représentations entre la ville et la campagne. Et dans les représentations qui sont critiques, la ville va être associée évidemment à la décadence culturelle, à un univers malsain, à la politisation, mais dans le mauvais sens du terme, qui désunit la nation, alors que les campagnes sont vues comme un conservatoire de traditions, de populations qui restent non contaminées, entre guillemets, par cette modernité. Donc ça, ça va être construit aussi dans les discours. Nathalie Le Bouédec. Oui, alors je vais me permettre de revenir sur ce qui a été aussi dit avant. Je pense qu'effectivement, la notion de clivage est assez importante. C'est vraiment une culture politique très fragmentée. Alors, l'histoire du jour de commémoration nationale, du jour férié, etc., est très intéressante. On aurait pu aussi parler, par exemple, de la question du drapeau, qui a été l'objet de conflits extrêmement fort entre les différents camps politiques, puisque finalement on a fini par aboutir à certes le drapeau Schwarz-Rot-Gold, donc noir, rouge, or, mais la flotte avait aussi gardé les couleurs du Reich, donc noir, blanc, rouge, avec dans un petit coin on reprenait Schwarz-Rot-Gold, etc. Il y a eu des débats extrêmement violents là-dessus qui montrent bien ici l'absence finalement de culture républicaine commune et de symboles communs qui était un vrai problème. On constate aussi que dans les discours tenus le 11 août, au fur et à mesure des années, il y a quand même des orateurs qui arrivent à ne même pas prononcer le mot démocratie, par exemple, dans leurs discours. Oui, le jour de la promulgation de la Constitution, c'est ce que vous voulez dire, oui, c'est ça. Oui, excusez-moi. Et donc, il y a des discours qui ne prononcent même pas le mot démocratie. Donc, on souligne, comme l'a dit Marie-Bénédicte, la continuité du Reich, etc. Mais on ne parle pas du tout de cet aspect qui est pourtant l'aspect novateur fondamental de cette Constitution. Et par rapport à la culture, effectivement, oui, c'est très important de ne pas de voir aussi les clivages qui pouvaient subsister. C'est la même chose quand on parle des intellectuels, par exemple, quand on parle des universitaires, qu'aujourd'hui on considérerait comme faisant partie des professions intellectuelles, eux justement avaient un rapport extrêmement distant de manière générale à la République et rejetaient eux-mêmes cette dénomination d'intellectuel. Absolument. Donc ça c'est aussi un aspect très important et il faut voir aussi que justement les succès électoraux des nazis à partir de la fin des années 20 jusqu'à 1930 ont été particulièrement importants dans les campagnes justement. La population rurale, les paysans ont voté, font partie des groupes sociaux qui ont voté le plus pour et le plus tôt pour les nazis. Marie-Bénédicte Vincent. Oui, sur le drapeau, je voudrais rappeler que pour les détracteurs de la République, le noir du drapeau, c'est pour rappeler que c'est un parti de prêtres, le Zentrum, qui fait partie de la coalition de Weimar, que le rouge, c'est le rouge des communistes, et que l'or, c'est le jaune, c'est l'or des juifs. Et donc, c'est tout ce qu'il y a d'horrible dans l'Allemagne, c'est-à-dire le clergé, l'extrême gauche, et puis les juifs. Sur le drapeau encore, c'est évidemment un souvenir donc de 1848, donc les détracteurs de la République de Weimar, la seule chose qui avait de bien en 1848, c'est qu'on a pensé à une grande Allemagne. Et donc ça peut être encore mobilisé, je dirais, après la Première Guerre mondiale, dans un climat de revanche. Et c'est ainsi que certains nationalistes vont pouvoir jouer paradoxalement avec ce drapeau qui serait plutôt une référence libérale, en fait, avec l'idée que l'Allemagne doit s'agrandir. Reconquérir des territoires. Nicolas Patin. Alors, c'est vrai que c'est important de parler de 1848 parce qu'à l'époque, c'est quand même un point de référence d'une première tentative parlementaire qui est celle de l'église Saint-Paul. Et surtout, on en est beaucoup plus proche chronologiquement et il y a des générations qui s'en souviennent encore ou qui se sont entendues raconter par leurs grands-parents cette histoire de 1848. Bien sûr, et là on pourrait appliquer d'une certaine manière, c'est un sujet que je connais très peu, mais on pourrait appliquer le même filtre de normalisation, mettons, sortir du Sonderweg et de cette idée de la voie particulière allemande pour relire 1848 comme, au lieu d'un échec qui aboutit à une forme de restauration après 1849, au contraire, le lire comme un fondement très fort constitutionnel. Mais ça, je pense que... Comme on pourrait relire d'ailleurs Weimar comme un fondement de l'Allemagne d'aujourd'hui. Mais exactement. Ce qui se joue, c'est qu'en fait, en grande mesure, l'histoire de Weimar, elle a quand même été écrite par des historiens allemands d'Allemagne de l'Ouest et qui avaient cette idée de bonne n'est pas Weimar. Il faut vraiment montrer à quel point Weimar était fragile en termes pour pouvoir fonder bonne. Alors, on peut évidemment le discuter. Aujourd'hui, on peut peut-être sortir de ça. Alors, simplement, je voulais dire, depuis tout à l'heure, on dit la question démocratie, démocratie, démocratie. Je pense qu'il faudrait peut-être plus parler pour débattre. La question républicaine, effectivement, il y a un problème de perception de la République. En revanche, en termes de démocratie, il faut rappeler qu'il y avait, il y a eu quelques livres ces derniers temps là-dessus, déjà une démocratie dans la rue très vivace, c'est-à-dire il y avait énormément de manifestations dans la rue, il y a eu une étude spécifique, une monographie là-dessus. Et puis, il y avait quand même des référendums d'initiative populaire qui permettaient, alors il y en a peu qui ont fonctionné sous la République, mais ce qui est un peu terrible, c'est qu'ils n'ont pas été utilisés de manière démocratique, mais de manière plébiscitaire, quasiment contre le régime. Jeanne Guéroux. Oui, donc on a vu qu'entre 1920 et 1929, le Reichstag a beaucoup légiféré. Comment est-ce qu'on explique finalement son échec en 1930, Nicolas Patin? Allez, en deux minutes, vous allez nous dire pourquoi Weimar n'a pas marché. Alors, vous parlez notamment de manque de maturité politique et démocratique des députés. Scandales. Il y a deux choses. Quand on passe son temps à faire l'histoire du parti nazi et de sa conquête, on perd de vue l'ensemble du paysage. Et en même temps, il faut voir les deux à la fois. C'est-à-dire ce qui n'a pas fonctionné dans le paysage général et pourquoi les nazis ont réussi. Et donc, pour le dire très vite, je pense que, effectivement, en tout cas, ce que j'ai constaté dans mes recherches, c'est qu'il n'y avait quand même pas... Moi, j'ai travaillé sur les députés, mais même eux n'avaient pas une intense ferveur républicaine, c'est le moins qu'on puisse dire, même dans des partis qui fondaient la coalition de Weimar. On appelle des républicains de raison, c'est ça? Ouais, là, même raison, je crois qu'il y en a certains, c'était... C'est-à-dire, c'est des gens qui sont convaincus qu'il fallait peut-être ça plutôt qu'autre chose, mais pas beaucoup plus que oui, ça. Oui, mais le tournant radical de 1929, au Zentrum, dans les partis de droite, il y a eu un effet d'opportunité quand même. Mais pour dire la victoire nazie, je pense qu'on en revient à ce chiffre que je disais tout à l'heure. Chez les députés nazis, il y en a 10% qui étaient politisés avant la guerre. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent, en tout cas si on les étudie socialement, d'une culture politique complètement différente. Et donc quand ils arrivent au Reichstag, ils ne vont pas comme les communistes jouer du temps de parole ou des choses comme ça. Ils vont attaquer de manière extrêmement antisémite. Ils cassent les genoux des députés communistes avec des matraques le 6 décembre 1932. Mmh. Donc on est face à un blocage de l'institution beaucoup plus fort. Mmh. Marie-Bénédicte Vincent. Bon, les aspects de violence politique sont très importants pour comprendre les dernières années de la République de Weimar, donc à partir de 1930. Toutefois, je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'il n'y avait pas de déterminisme. La République de Weimar n'a jamais été condamnée dès 1930. C'est un jeu de circonstances qui fait que Hindenburg appelle Hitler quand même au pouvoir en janvier 1933. Et jusqu'au bout, aujourd'hui, les historiens sont d'accord pour dire qu'une autre issue était possible. Donc ça, je pense qu'il faut bien le rappeler. Ce qui n'empêche qu'il y a des conditions tout à fait particulières de ces années de crise de la République de Weimar, qu'il ne faudrait pas, en revanche, étendre à toute la période, je pense. La crise de la République de Weimar, c'est vraiment les dernières années, à partir des... Ce sont les premières années. Les premières années révolutionnaires. Et qu'elle existe avec la révolution. Entre les deux, généralement, ce qu'on appelle les cinq années, qui sont les cinq années dorées, donc entre 1924 et 1929. Nicolas Patin, brièvement. Juste, cette chronologie, évidemment, elle est pratique et elle fonctionne. Il n'y a pas à la remettre en cause globalement. Mais on peut penser les choses d'une manière différente. C'est-à-dire, par exemple, il y a un très bon bouquin qui est sorti sur les formes de violence. Donc, cette sortie de guerre 1919-1923, et on a l'impression... Les corps francs, etc. Voilà. Et puis, là, l'extrême gauche. On a l'impression qu'une fois que le putsch de Hitler a été réprimé et que de l'autre côté, l'Octobre rouge allemand des communistes à Hambourg a été réprimé, tout est réglé. Et ce livre de Dirk Schumann montre que pas du tout, que les formes de violence subsistent, elles changent. Et donc, en fait, il faut penser d'un côté, dès 1919, une œuvre de modernité très forte, un travail parlementaire, politique, administratif cohérent, et de l'autre côté, des facteurs de crise. Mais la chronologie de la sortie de guerre, finalement, c'est trop pratique, c'est trop simple de penser les choses comme ça par masse. Nathalie Lewedek, nous allons bientôt conclure parce que nous allons donner la parole à quelqu'un qui se trouve à Weimar ces temps-ci, à savoir Franka Guntert, qui est la responsable des journées, des rendez-vous de l'histoire de Weimar qui vont se tenir à partir de demain à Weimar. Nathalie Lewedek. J'avais juste deux petites choses, deux compléments peut-être à apporter. Nicolas Patin a souligné aussi cette démocratisation finalement de la vie politique. J'aurais voulu dire qu'effectivement le problème n'était peut-être pas tant la démocratie que la démocratie parlementaire et pluraliste justement comme on l'a dit. Et que le véritable problème c'était vraiment cette difficulté à accepter ce pluralisme des partis qui était souvent associé à un marchandage politique, à une mécanique, à un nivellement aussi par le bas de la vie politique. Et que un des problèmes aussi de la vie parlementaire, c'était quand même ce rapport très problématique au compromis qui n'a jamais été vraiment intégré aussi dans la culture politique. C'était une république qui devait reposer pour bien fonctionner sur le compromis. Et justement, ça a toujours été quand même quelque chose qui a été très difficile à intégrer pour les partis et qui, au moment de la crise économique, n'a plus du tout fonctionné et explique aussi en partie l'échec entre guillemets et relatif du Reichstag et la crise à partir de 1930. Voilà, c'était juste deux compléments que je voulais apporter. Merci beaucoup Nathalie Lewedek. Marie Bénédicte Vincent. Oui, Weimar aujourd'hui, dans les lieux de mémoire allemands, donc dans le livre dirigé par Étienne François et Hagen Schulze, il y a une entrée Weimar qui est une entrée très intéressante parce que ces auteurs montrent que Weimar ne fait pas est une entrée polysémique. Ne fait pas l'unanimité. Weimar, c'est à la fois la culture classique avec Goethe. Weimar était capitale de la culture européenne en 1999 d'ailleurs. Weimar, c'est la référence à la République dont on vient de parler aujourd'hui, qui est une référence donc très complexe à mobiliser. Et c'est aussi Buchenwald, qui est situé à quelques kilomètres. Donc on a dans à le haut lieu. À côté du Schoen de Goethe, justement. On a dans un haut lieu de culture reconnue, on pourrait dire, de manière universelle, aussi un lieu qui a été, qu'on pourrait, un lieu qui incarne toute bien sûr la dictature et puis la barbarie du régime nazi. Donc on comprend bien que ensuite vouloir faire de Weimar une référence politique positive, c'est forcément compliqué pour l'identité allemande. Voilà. Oui, comme est compliqué le 9 novembre, par exemple, 9-11, il y aura d'ailleurs dans les rendez-vous de l'histoire, nous sommes avec Franka Guntert qui dirige ces rendez-vous de l'histoire à Weimar. Bonjour Franka Guntert. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup et vous aurez d'ailleurs une conférence, je crois, le 9, c'est-à-dire dimanche, sur cette polysémie, non pas de la ville de Weimar, mais cette polysémie d'une date, à savoir le 9 novembre, puisque ce 9 novembre évoque à la fois 1848, mais aussi la nuit de cristal, mais aussi le putsch contre Hitler, entre guillemets, de 1923, mais aussi la révolution de novembre 18, etc. Et qu'il est difficile de s'entendre autour soit d'une date, soit d'un lieu. Le thème de ces rendez-vous de l'histoire de cette année, puisque c'est la 6e édition, je crois, Franka Guntert. Oui, c'est tout à fait. Tout à fait ça, c'est la 6e édition. Et votre thème cette année, c'est... Alors, je ne peux pas le prononcer parce que je ne parle pas l'allemand. J'ai demandé à Jeanne Guéroux de le prononcer à ma place. Umbrücher. Et ça veut dire quoi exactement? Écoutez, on a réfléchi pendant toute l'année pour trouver une traduction adéquate en français. On n'a toujours pas trouvé. Donc, on varie entre révolution, tournant, changement historique... Brisure, cassure. Oui, tout à fait, cassure peut-être. On va parler donc des changements, non seulement les grands changements dans l'histoire en Allemagne, mais un petit peu partout en Europe, dans l'histoire et dans l'actualité. On va aussi parler de ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Mais aussi, on va parler aussi des changements qui ont pu être amenés par le 9 novembre 1989 dans la vie de chacun. Mmh. Alors, il y aura effectivement des grands témoins qui vont, par exemple, témoigner de leur vie en RDA et de leur vie depuis, d'une certaine façon, dans des soirées. Il y a évidemment des conférences d'historiens. Alors, pour ceux qui connaissent les rendez-vous de l'histoire de Blois, les rendez-vous de l'histoire de Weimar sont donc issus de ces rendez-vous. rendez-vous de l'histoire de Blois d'une certaine façon, mais ça n'est pas encore la même affluence qu'à Blois. Vous avez moins de public, mais néanmoins un public extrêmement choisi, en l'occurrence Franka Gunthert. On dit souvent qu'on est le petit frère des rendez-vous de Blois, parce que chez nous la situation est bien bien différente. Donc on a essayé de reprendre l'idée, et avec l'aide des rendez-vous de Blois, on a créé donc en 2009 les rendez-vous de Weimar sur la base donc de l'idée de ce qui se fait à Blois, à savoir une forme accessible à tous sur la base scientifique. Donc on réunit des scientifiques, des spécialistes de différents domaines, mais on leur demande de ne pas se limiter à un colloque entre historiens, mais de parler vraiment, d'être accessible au public. Mais c'est une façon qui, de cette manière, n'a pas encore existé en Allemagne avant. Donc on avait une excellente idée, et puis si j'ai bien compris la discussion qui s'est... que vous avez eu juste avant que j'intervienne, la dame a expliqué exactement pourquoi on a choisi Weimar et pourquoi on a cru devoir établir ce rendez-vous de l'histoire à Weimar, à savoir Weimar est le lieu en Allemagne qui, de par son passé culturel et son passé de Buchenwald, de camp de concentration, dictature nazie... Sur laquelle vous travaillez d'ailleurs vous-même. Oui, oui, ça m'arrive. Donc, et peut-être le lieu en Allemagne propice à accueillir des historiens pour un échange avec le grand public. On a non seulement, on considère à Weimar et avec la ville de Weimar, donc on a le soutien de la ville de Weimar, on considère que c'est le lieu propice à la réflexion sur l'histoire, et on a non seulement un intérêt ici, sur place, de travailler sur l'histoire, mais on a aussi un devoir de mémoire. Merci, donc Franka Gunthert. On peut trouver le programme entier de vos 3 jours de discussion qui commence demain, donc sur le site Weimarer Rendez-vous. Je prononce évidemment toujours tout aussi mal l'allemand, mais en l'occurrence, on verra qu'il y a à la fois des historiens polonais, des historiens allemands, des historiens français qui viennent donner ces conférences, et à côté des soirées littéraires, des lectures, mais également des expositions. Donc bon vent pour cette 6e édition. Donc Franka Gunthert, de ces rendez-vous de Weimar. Merci à vous. Merci beaucoup. Permettez-moi de rajouter que les historiens ont vraiment une ferme volonté de venir, parce que comme vous le savez, les chemins de fer allemands se sont mis en grève. Exactement. Et donc c'est cette année, c'est un peu sportif pour nous, mais depuis hier, on sait que la plupart des intervenants vont pouvoir se mettre ensemble en voiture pour venir. Voilà. Et bon débat donc à vous tous pendant 3 jours à Weimar. Un titre qui a 110 ans, Berliner Luft, donc qui témoigne d'un Berlin d'avant la Première Guerre mondiale, festif, mais qui a été utilisé aussi pendant la République de Weimar autour de cette musique très gaie. Il nous faut conclure en vous saluant, Nicolas Patin. Au revoir, merci d'être venu. Donc, La catastrophe allemande, c'est paru chez Fayard, et on peut vous lire également dans le numéro spécial de l'Histoire, les collections sur l'Allemagne de Luther à Merkel, qui est en kiosque ces temps-ci. Vous avez écrit sur Weimar. Merci Marie-Bénédicte Vincent. On peut lire effectivement le premier tome des 3 tomes consacrés à l'histoire de l'Allemagne au XXe siècle, que vous avez écrit justement sur ces années-là. Merci à vous, Jeanne Guérou, de nous avoir accompagné toute la semaine. Et merci donc à Nathalie Le Bouédec, qui était avec nous au téléphone. Donc, je peux aussi signaler donc le livre de Béatrice Bognot, Homme de culture et républicain de raison, sur Karl Heinrich Becker, serviteur de l'État sous la République de Weimar. C'est paru chez Peter Lang. Donc, merci à tous et merci à toutes d'être venus nous parler de Weimar. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marseille. Nous avions à la réalisation Anne Fleury et Jacques Hubert à la technique. Merci encore.